الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue l'explication ou la traduction de l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, faite par notre noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé, donc c'est le cinquième cours aujourd'hui, on est arrivé à l'Iman bi ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. يقول المؤلف رحمه الله سيدنا من الإمام أحمد رحمه الله ومثل أحاديث الرؤية كلها. Donc l'Imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit et de même tous les ahadiths concernant la vision, et on va s'attacher aujourd'hui à étudier ce qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là-dessus, on a l'explication de Cheikh Rabi', il dit, حفظه ta'ala, أي رؤية الله في الدار الآخرة. فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة يراه المؤمنون. Donc Cheikh Rabi', حفظه الله ta'ala, qu'Allah le préserve, il nous dit, c'est-à-dire, en expliquant la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, la vision d'Allah dans la demeure de l'au-delà. Et il dit, le serviteur se doit de croire qu'Allah sera vu dans la demeure de l'au-delà, que les croyants le verront. Puis il continue Cheikh Rabi' en disant wa ankara al-mu'tazila ru'yat Allah fi ad-dar al-akhirah bina'an 'ala shubhatin batilatin wa radda 'alayhim ahlus sunnati bil hujaj wal barahin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam. Donc Cheikh Rabi' il continue en disant hafidhahullah ta'ala, les mu'tazilites ont dénié cette vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà en se basant sur de fausses ambiguïtés, ou bien sur une fausse ambiguïté. Les gens de la sunna les ont réfutés avec des preuves et des évidences tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit مِمَّنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ الْإِمَامِ بْنُ الْقِيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ احْتَجَّ بْنُ الْقِيِّمِ بِسَبْعِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ يَسْتَبْعِدُ الْإِنسَانُ الْاِسْتِدْلَالَ بِهَا ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله تعالى. منه أو منها أي من الآيات قال الله تبارك وتعالى أنكم ملاقوه، سورة البقرة. قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة، هذا ما تقتضيه لغة العرب. Donc Cheikh Rabi', en parlant des gens de la sunna qui ont réfuté le Mu'tazila sur ce point-là, il dit, hafidhahullah ta'ala, parmi ceux qui les ont réfutés, il y a l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, en utilisant 7 versets du Coran dont il se peut que quelqu'un trouve leur argumentation éloignée. Mais s'il venait à méditer à leurs propos, il trouverait que son utilisation de ces preuves dans son argumentation est juste. Il parle de l'argumentation de qui ? D'Ibn Qayyim rahimahullah. Il dit parmi ces versets, la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « que vous le rencontrerez ». Et c'est le verset sur Al-Baqarah 223. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, il se doit, en référence à la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, il se doit lors de la rencontre d'y avoir une vision. En arabe, il a utilisé deux mots, il a dit quoi ? Il a dit « al-mu'ayana », il a dit quoi ? والرؤية, qui implique tout d'une vision avec les yeux. Il dit, c'est ce qu'implique la langue arabe. Puis il continue en disant, واحتج أيضا رحمه الله قال إن الآيات التي يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير, سورة الأنعام. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله لا يتمدح بمجرد النفي، وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثيرا من الموجودات ولا تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها في الجملة. Ça c'est un point important dans l'aqida. Et il dit donc, il utilisa également, il parle d'Ibn Qayyim rahimahullah, comme preuve en disant ces versets auxquels s'accrochent ceux qui dénient la vision d'Allah Azza wa Jal, comme la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. » Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Et c'est la traduction du sens de Surat Al-An'am, verset 103. Vous comprenez ici l'istidlal, hein, de ceux qui dénient la vision d'Allah Azza wa Jal. La traduction dit quoi ? Les regards ne peuvent l'atteindre. Alors on dit, ben quoi ? Eh bien, il n'y a pas de vision d'Allah. Évidemment, c'est faux. Et Cheikh, il va le prouver, Inch'Allah. Il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, car c'est qui le Cheikh d'Ibn Qayyim d'ailleurs, il dit, a rapporté qu'Allah ne se fait pas d'éloge par la simple négation. La tudrikuhu al-absar. Mais ne fait son éloge que par la négation qui comprend une affirmation. Et il a donné de nombreux exemples à ce sujet, rahimahullah. Ici, la traduction de la parole d'Allah dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Il y a en cela l'affirmation de la vision. C'est-à-dire quoi, que le verset qu'eux, ils utilisent pour dénier la vision d'Allah, eh bien, nous l'utilisons pour quoi ? Pour affirmer cette vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. On répète cette phrase qui est importante. Il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a rapporté qu'Allah ne se fait pas d'éloge par la simple négation, mais ne fait son éloge que par la négation qui comprend une affirmation. Et il a donné de nombreux exemples à ce sujet, rahimahullah. Ici, la traduction de la parole d'Allah dit, les regards ne peuvent l'atteindre, il y a en cela l'affirmation de la vision. Car Allah n'a pas nié la vision ici, mais a nié le fait de le cerner complètement du regard, ce qu'on appelle en arabe quoi ? Al-ihata. Or Allah, nul ne peut le cerner complètement du regard, subhanahu wa ta'ala. Tu vois bien le soleil, et il donne un exemple ici pour qu'on comprenne mieux. Tu vois bien le soleil, et tu vois bien le ciel, et tu vois bien beaucoup de choses existantes, alors que tu ne peux les cerner complètement du regard. Et ce même si tu les vois dans leur généralité. Cheikh il continue, il dit, « كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني سورة الأعراف طلب موسى من ربه أن يراه لو كان هذا الأمر محرما أو مستحيلا ما سأل موسى هذا قال لن تراني ما قال لا تراني لن تراني يعني الآن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا سورة الأعراف لكن موسى لا يطيق في هذه الدنيا رؤية الله تركيب البشر الآن لا يطيقون به رؤية الله تبارك وتعالى كيف وفي الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. C'est un hadith dans Sahih Muslim, Kitab al-Iman. Je termine ce point-là et après on traduira le tout ensemble, Inch'Allah. فالتكوين البشري الآن ما يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى فإذا كان الجبل يندك لتجلي الله سبحانه وتعالى فكيف يطيق الإنسان رؤيته لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم بهيئة وتركيبة مهيئة لرؤية الله سبحانه وتعالى. Donc qu'est-ce qu'on prend de la continuation de cette explication ici ? Il dit, il en est de même pour l'autre verset, qui est la parole d'Allah à Moïse. Et ici, vous comprenez par l'autre verset, c'est-à-dire quoi ? L'autre verset, parmi les versets que ceux qui dénient la vision d'Allah Azza wa Jal utilisent. Le premier, on avait vu, et maintenant il y en a un autre, c'est quoi ? Eh bien, c'est le verset dont la traduction du sens est quoi ? Tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Lan tarani. Ici, la différence en arabe entre hein, lan tarani et la tarani, c'est ce qui va expliquer le shir. Surat al-A'raf, verset 143. Moïse, alayhi salam, a demandé à Allah, son Seigneur, de le voir. Or, si c'était quelque... Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, on utilise cette même preuve pour les réfuter. Eux l'utilisent comme preuve pour nier la vision d'Allah. Eh bien, nous, là, avec la même preuve, on affirme quoi? La vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Or, écoutez bien ce qu'il dit le cheikh ici. Or, si c'était quelque chose d'interdit ou d'impossible, eh bien, Moïse ne l'aurait pas demandé, alayhi salatu wassalam. Il dit, tu ne me verras pas. Et il n'a pas dit, tu ne peux pas me voir. C'est-à-dire, tu ne me verras pas maintenant. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Sourate Al-A'raf, verset 143. Mais Moïse n'est pas capable de voir Allah dans ce bas monde. La composition humaine actuelle, hein, c'est-à-dire notre composition à tous, elle ne permet pas aux humains de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment pourrait-il en être le contraire, alors que le hadith authentique dit, et c'est la traduction du sens, son voile est lumière, s'il enlevait la lumière, s'il l'enlevait, yani s'il enlevait ce voile, la lumière de son visage, et pourquoi j'ai traduit subuhat wajhi par la lumière de son visage, c'est Cheikh Al-Fawzan qui dit ça dans son explication de ce hadith, hafidhahullah, la lumière de son visage brûlerait tout ce que sa vision atteindrait parmi sa création. Rapporté par Muslim numéro 179. Cheikh, il continue en disant, la composition actuelle de l'être humain fait qu'ils ne peuvent pas supporter la vision d'Allah le Très-Haut. Si le monde s'est pulvérisé, hein, ja'alahu dakka, lorsqu'Allah se manifesta, comment se pourrait-il que l'être humain soit capable de voir Allah? Mais lorsqu'Allah aura ressuscité ses serviteurs et les aura fait entrer au paradis, et ainsi de suite, c'est-à-dire il y fera entrer avec une composition et une forme qui leur permet de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend bien ici que c'est, tu ne me verras pas quoi? Maintenant. Mais ça ne veut pas dire, tu ne peux pas me voir dans l'au-delà. Puis Cheikh, il continue son explication, il dit, وَمِنَ الْآيَاتِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةِ Sourate Yunus. يعني, فَسَّرَهَا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمُ بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية يعني هذه الزيادة الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى وهي أفضل من الجنة والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم قالوا ماذا نريد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وعطيتنا وعطيتنا فيتجلى لهم ربهم فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. Donc en continuation de cette de ce point de l'explication de ce point-là, il dit parmi les versets, il y a celui dont la traduction du sens est à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Et ici, je vais vous demander de retenir juste deux termes en arabe qui sont importants, c'est quoi? C'est le husna et Ziyada et leur sens à chacun. Je vous donne déjà la référence, surat Yunus, verset 26. C'est-à-dire, le messager d'Allah l'a expliqué comme étant la vision d'Allah. Donc on comprend encore une fois l'égarement de ceux qui dénient, renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, il a dit cette parole-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué de cette manière-là. Comment donc pourrait-on dire le contraire? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant quoi? Waziyada, c'est-à-dire la vision d'Allah, comme cela a été rapporté dans le hadith de Suhaib, dans l'authentique de Muslim. Donc c'est un hadith sahih, ils peuvent pas le renier, c'est un hadith sahih, et c'est le numéro 181 dans Sahih Muslim. Et puis aussi, un certain nombre de compagnons l'ont aussi expliqué comme étant la vision, al-ru'ya. C'est-à-dire que la vision est ziyada. Donc le verset pour hein, les frères qui le connaissent déjà, qui peuvent le retenir, c'est quoi? Lilladina ahsanu al-husna. Donc c'est al-husna, c'est quoi on a dit? Al-janna. Wa ziyada. Donc retenez ces deux mots-là. Al-husna c'est al-janna. Et ziyada c'est ru'yat Allah azza wa jal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que al-husna c'est le paradis et... Le rajout, si vous voulez, ce qui est encore en plus, et dans l'explication du cheikh, ça va être clair. Pourquoi? Eh bien, c'est la vision d'Allah, parce que la vision d'Allah est encore mieux que le paradis. C'est quelque chose, c'est encore une récompense supérieure. Hein? Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens qui méritent cette récompense et qui obtiennent cette récompense. Donc je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Un certain nombre de compagnons l'ont aussi expliqué comme étant la vision. C'est-à-dire que la vision est ziyada. Hein, comme dans le verset, wa ziyada. Et même davantage. Al-husna, le paradis, et ziyada, la vision d'Allah. Hein, ça c'est clair? Donc al-husna, le paradis, et ziyada, la vision d'Allah. Qui est mieux que le paradis? C'est pour ça qu'on dit wa ziyada. Et même davantage, et même mieux. Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses serviteurs, après qu'ils soient entrés au paradis, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils diront, que voudrions-nous de plus? Tu nous as blanchi les visages, tu nous as donné et tu nous as donné. Allah se manifestera alors à eux, ils ne goûteront alors pas un plaisir meilleur et ne trouveront pas meilleur que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne ce plaisir-là. Puis il continue le cheikh, il dit « والأحاديث كما قلنا بلغت الثلاثين في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى منها حديث جرير وحديث أبي هريرة ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أحاديث كثيرة روى منها البخاري جملة ومسلم كذلك. » الشيخ عبد الرزاق العباد البدري لنتخبه كور. Et je ne me trompe pas, même il a été traduit en français, qui est que pour titre la vision d'Allah, Ru'yatullah Azza wa Jalla. Il explique ce hadith, ou en tout cas une des riwayat de ce hadith, d'une très très belle manière. Il explique aussi une fa'ida amaliya dans la fin du hadith, qui fait que ça te permet de mériter cette vision d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'à la fin du hadith, c'est quoi? Faman istata'a minkum alla yughlaba ala salatin. Hein? C'est quoi les par les deux prières, c'est quoi? Le Fajr et l'Asr. À la coulée, revenez, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais revenez au site de Cheikh Abd al-Razzaq et vous pouvez même le trouver en vidéo sur internet. Le Ha'iya, il a, mais c'est peut-être de là qu'ils l'ont tiré en fait. Ouais. Hein? À la coulée, une explication très très complète de ce qui concerne la ru'ya de ce hadith-là. On continue. Donc, Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, حفظه الله تعالى les hadiths qui affirment la vision d'Allah arrivent au nombre de 30. Parmi eux, le hadith de Jarir et le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhum jami'an. Vous verrez votre Seigneur de vos yeux. Il y a des hadiths comme il est clair. Vous verrez votre Seigneur de vos yeux comme vous voyez le soleil sans nuages. Mais comme, et comme vous voyez la lune lors de la pleine lune sans aucun nuage. Et les ulama, ils ont une petite faïda ici. Ils disent que le teshbih, c'est dans quoi ici? C'est le fait de faire ressembler la vision à la vision et pas ce qui est vu à ce qui est vu, hein. Attention. Les ulama, comment ils sont précis? Ah. Voilà, c'est ça. C'est une règle connue, ça, hein. Ici, ce qui est, la ressemblance qui est faite, c'est la vision. C'est pas ce qui est vu. D'accord? Donc, il n'y a pas de ressemblance entre ce qui est vu que par rapport ici au soleil et la lune, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Hein? Mais par contre, la vision, teshbih ici, il est dans la vision. Cheikh il continue en disant, les hadiths à ce sujet sont nombreux. Al-Bukhari en a rapporté, rahimahullah, un certain nombre, ainsi que Muslim. Cheikh il dit, hada fi ma yata'allaqu bi ru'ya, ceci en ce qui concerne la vision. Et puis il revient à la part de l'imam Ahmed qu'on avait déjà traduite dans le cours précédent, où il disait « وَإِنَّبَتْ عَنِ الْأَسْمَاعِ وَاشْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعِ يعني أسماع أهل الباطل أما أهل الحق فيتلقونها بصدور رحبة وإنما عليه الإيمان بها لما ظهرت الفتنة وإنكر رؤية الله وهناك أناس يشوشون قال مثل هذا الكلام. Donc, cher Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Hafid Allah, il revient à la parole de l'imam Ahmed, qu'on avait déjà cité dans le cours précédent. Et c'est quoi? Et ce même, il parle des hadiths, s'ils sont désagréables à l'écoute des gens, et s'en effraient ceux qui les entendent. C'est-à-dire, l'écoute de qui? Hein, ils sont désagréables à l'écoute de qui? À l'écoute des gens du faux. Tandis que les gens de la sunna les acceptent avec plaisir. Puis il continue en disant, هل أحدكم يشوش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية؟ لا أحد. ولن ينبو السمع عنها لكن أسماع أهل الباطل تنبو عنها فيقول مثل هذا الكلام. Puis chérie, il a continué, il a dit, et ce qui lui est obligatoire, c'est d'y croire. Hein, ce qui est obligatoire aux croyants, c'est d'y croire. Et lorsque les fitaines, les troubles sont apparus, ainsi que le déni de la vision d'Allah Azza wa Jal, et que des gens qui causent des troubles et pervertis sont apparus, et bien l'imam Ahmed, il a dit ce genre de paroles. Et puis il continue, cher Rabbi, il dit, est-ce que l'un d'entre vous, on peut se poser la question entre nous ici, et que les sœurs se posent la question entre elles de leur côté, est-ce que l'un d'entre vous est perturbé par le hadith d'Abu Huraira? Hein? Là, on vous pose la question. Est-ce que quand vous entendez ce genre de hadith, vous êtes perturbé? Hein? Ou le verset sur la vision, par exemple, est-ce que ça vous perturbe? Hein? Alhamdulillah. Cher, il dit personne. Ce qui veut dire personne parmi les gens? Les gens de la sunna. Est-ce que cela répugne l'un d'entre vous? Cher, il dit. Hein? La réponse, évidemment, c'est quoi? Non. Ce sont les gens du faux que cela répugne. Hein? Les ahl batil. Il dit alors, rahimallah, ce genre de paroles. Et puis il continue la parole de l'imam Ahmed, wa alla yarudda minha harfan wahida. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. ولما قال له عبد الله بن عمرو يقولون لا تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حق عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Comme certaines personnes parmi les gens de l'innovation qui disent, ouais, mais le hadith du chien noir, pourquoi pas le blanc, pourquoi pas ceci, hein? Le prophète a dit, mais le chien noir, c'est le chien noir, c'est tout, hein? Innahu la yantaqu anil hawa, innahu illa wahyi yuha. Mais le hadith qu'on avait vu sur quoi? Le hadith de la mouche quand elle tombe dans une boisson. Les gens de la sunna n'ont aucun problème avec ce genre de hadith, alhamdulillah. Donc, sur il continue en disant, et qu'il n'en rejette aucune lettre. En référence par rapport à quoi? Au hadith. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ses propres passions, mais de plus, il ne dit que la vérité. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abdullah ibn Amr, rajul anhu arda, il lui dit, ils disent, n'écris pas ce que Muhammad dit. Car il n'est qu'un être humain qui parle dans la satisfaction et dans la colère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, écris. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne sort de moi que la vérité. C'est un hadith, je vous donne la référence, apporté par Ahmed dans le Musnad, numéro 6510 et 6802. Et Ahmed Shaki, rahimahullah, le grand savant, hein, que Charles Albani recommandait beaucoup et respectait beaucoup, a dit, sa chaîne de transmission est authentique. Et pour les frères qui étaient avec moi une fois ici à la mosquée, c'est pas un cours, mais dans une petite assise, on avait vu que même certains parmi les spécialistes des sciences islamiques chez les juifs, hein, en Palestine, dans les universités juives, hein, ce ne sont pas des musulmans, hein, ils ont une grande inaya avec des livres de Hassani, de Ahadith, et parmi surtout les livres d'Ahmed Shakir. On avait lu une lettre que l'un d'entre vous souvenez, hein, de ça, on avait lu une lettre qu'un des professeurs juifs avait écrit à Ahmed Shakir, et qu'il était tellement heureux qu'Ahmed Shakir lui ait répondu. Et qu'il payait à prix d'or les livres de Sanad, de Kitab al-Maghazi, Kitab al-Masanid, etc. Ou plutôt Kutub al-Masanid. Donc Ahmed Shakir, rahimahullah, ce grand muhaddith, ce noble muhaddith, rahimahullah, il a dit, sa chaîne de transmission est authentique. On termine sur la parole du Cheikh Rabi', il cite un verset dans la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, et c'est la traduction du surat Najm, versets 3 et 4. Maintenant, on rentre dans un autre point, c'est Tarkul Jidali wal Khusumati fi Din. C'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirah. Wa la yata'allamu al-jidal fa in al-kalama fi al-qadari wa al-ru'yati wa al-Qur'an wa ghayriha min al-sunan makruhun wa manhiyun anha. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. L'imam Ahmed, rahimahullah, quand il lui fait ce miséricorde, il dit, donc on continue dans le maître de Usul Sunnah, et qu'il ne se dispute ni ne débat avec personne, et qu'il n'apprenne pas les débats, car débattre ou discuter au sujet de la prédestination et de la vision, ce qu'on vient de voir, et du Coran et d'autres sunan est détestable et interdit. Et celui qui le fait, et ce même si sa parole coïncide avec la sunna, ne fait pas partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il délaisse les débats et se soumette et croit au athar. On va voir que cette sunnahi, il n'est pas à l'itlaq. Parce qu'il y a un verset qui doit venir directement en tête, c'est quoi ? وَجَادِلْهُمْ بِلَتِي أَحْسَنْ Et débat avec eux de la meilleure manière. Et ça, on va parler, Cheikh Rabi, avant de parler dans un instant, inshallah. On a l'explication de Cheikh Rabi là-dessus, sur ce point-là. Il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ وَيَنْصَحُ بِتَرْكِ الْجِدَالِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيٌ عَنْهُ ورد أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات والرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان ثم قال أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنكر إنكارا شديدا هذا يدل أن النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. Donc, Cheikh Rabi, il explique ce passage en disant, et il conseille, c'est-à-dire qu'il est même Ahmed Rahimahullah, de délaisser les débats. Car parler au sujet de la prédestination et de la vision et du Coran et d'autres parmi les sunan est détestable et interdit. Il y a dans des hadiths qui ont été rapportés au sujet de l'interdiction de débattre et de se disputer, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortit, il en cite un en fait, alors que des gens se débattaient au sujet du quoi? De la prédestination du Qadar. Il fut alors très en colère, alayhi salatu wasalam, à tel point que c'était comme si des graines de grenade, hein, le fruit et la grenade, hein, perçaient son visage. Puis il, c'est-à-dire qu'il était quoi? Très très en colère, il était rouge de colère. Puis il dit, alayhi salatu wasalam, voulez-vous frapper une partie du livre d'Allah avec une autre partie du livre d'Allah? C'est un hadith qui est rapporté dans Ibn Majah, hein, je vous donne la référence, numéro 85. Et quand vous retournez à Hachet Sindi de l'explication de Sunan Ibn Majah, il dit, parce que certains, c'est comme si certains utilisaient des preuves du Coran, et d'autres aussi utilisaient des preuves du Coran, chacun pour argument, donner des arguments par rapport à ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il a dit, Atadribuna kitab Allah ba'dahu bi-ba'd. Hein? Cheikh, il dit, il le reprocha donc avec force. Et ceci indique l'interdiction de débattre au sujet de la prédestination et d'autres points de la croyance. Et celui qui le fait, et ce même si sa parole coïncide avec la sunna, ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc, Cheikh, il dit quoi par rapport à ce point-là? Il dit, وَلَا يَكُنُ صَاحِبِهُ وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُنَّةِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ فَالْإِمَامْ أَحْمَدْ مُتَشَدِّدٌ فِي الْجِدَالِ وَأَنَّ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى السُنَّةِ إِلَّا بِالْجِدَالِ فَهَذَا يَقُولُ غَلَطًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هَذَا الْكَلَامُ لَا يُؤْخَذُ عَلَى إِطْلَاقِهِ فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة فأنت بين له بالتي هي أحسن أما إذا كان يميل إلى الغضب والصراع والتعالي فاتركه كان الشيخ ابن باز رحمه الله يأتيه في rapporte une histoire et moi je vais vous rapporter une autre histoire que je tiens de Cheikh Falah Ismail. On va d'abord traduire ce passage là d'abord inchallah, on traduira le reste après. On parle toujours ici du fait de quoi, du point concernant le fait de discuter et de débattre. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, hafidhallah? Et celui qui le fait, et ce même si sa parole coïncide avec la sunna, ne fait pas partie des gens de la sunna. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, était donc dur en ce qui concerne les débats, rahimahullah. Celui qui dit qu'on ne peut arriver à la sunna qu'en débattant, dit quelque chose de faux. Il y en a qui disent ça. Quoi qu'il en soit, cher Rabbi, il dit, cette parole n'est pas à prendre de manière absolue. Car Allah nous a autorisés à débattre de la bonne manière. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Donc si les conditions du débat sont réunies, et que celui qui débat cherche la vérité. Et vous savez qu'on avait déjà rapporté ce point-là, qu'on avait dit que, Cheikh Rabi' l'avait dit quoi, إِذَا تَأَكَّدْتَ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْحَقِّ فَبَيِّنْ لَهُ وَأَنْتَ صَاحِبْ حُجَجْ وَبَرَاهِينَ Une autre condition. فَبَيِّنْ لَهُ Si tu t'es assuré que la personne qui est en face de toi, le frère pour les frères ou la sœur pour les sœurs, hein, que la personne veuille la vérité vraiment, et que toi tu es quelqu'un qui a des preuves, eh bien tu lui clarifies la chose. C'est ce que le Cheikh, il dit ici. Hein? Il dit donc, si les conditions du débat sont réunies et que celui qui débat cherche la vérité et qui ne cherche pas à être opiniâtre et obstiné et à mentir, eh bien tu lui clarifies de la bonne manière. Écoutez bien cette parole. Tandis que s'il penche vers la colère, la querelle et l'arrogance, alors délaisse-le. Et c'est une parole de quelqu'un de savant. Puis Cheikh rapporte une histoire, il dit « Wa kana Cheikh ibn Baz rahimahullah ya'tihi ba'du al-khawarij linadhirahum ma yunadhiruhum ya'tihi ba'du ar-rawafid liyujadiluhum ma yujadiluhum » Certains parmi les khawarij venaient chez Cheikh ibn Baz rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était le mufti de l'Arabie Saoudite rahimahullah, pour débattre avec lui, mais il ne débattait pas avec eux. Et certains rawafid venaient le voir pour débattre, pour qu'il débatte avec lui, mais il ne débattait pas avec eux. Et une petite faïda que Cheikh Falah Ismail nous a rapporté, il disait qu'à l'époque de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, à l'université de Médine, il y a des gens qui, des rawafid qui étaient venus d'Iran et qui étaient venus visiter la jamia, etc. Ils étaient dans des voitures officielles, ils visitaient la jamia, etc. Et puis ils ont voulu s'asseoir avec Cheikh Ibn Baz pour discuter avec lui. Et Cheikh Ibn Baz, il était, vous savez, pour les frères qui ont déjà entendu cette histoire et qui connaissent un peu la situation là-bas, c'est que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait quoi? Il avait un bureau, puis il avait quoi? Une salle d'attente. Et puis il y avait le moudir de la maktaba qui s'occupait de gérer les visites, etc. Et par rapport à ça, vous souvenez que Cheikh Falah Ismail nous a dit que, par exemple, les Hufadh al-Qur'an, c'était les seuls, c'est-à-dire les Tullab du Kulli al-Qur'an, la faculté du Coran. Et la condition nécessaire pour entrer dans cette faculté dès le premier jour, c'est de hafid déjà, eh bien, c'est qu'eux, ils n'avaient pas de numéro d'attente. Ils rentraient directement chez Cheikh Ibn Baz. Tandis que Cheikh Falah Ismail, etc., il dit, on était là, Kulli al-Sharia, Kulli al-Hadith, etc., on attendait. Il dit, pourquoi tu l'as fait rentrer lui? Il dit, Kulli al-Qur'an, wasiya min Cheikh Ibn Baz. Et même leur salaire, il était supérieur. Cheikh Falah Ismail nous a dit encore cette semaine que leur salaire à l'époque, je crois que c'était 500 riyals, quelque chose comme ça. Et les étudiants de Kulli al-Qur'an, c'était 900 riyals. Et c'est quoi? Takriman li ahli al-Qur'an. Cheikh Ibn Baz, il donnait beaucoup d'importance et il respectait beaucoup les gens du Qur'an. Ahlullahi wa khassatuhu. À la Kulli hal, donc les rawafid sont venus et Cheikh Ibn Baz, il a donné des instructions qu'on les fasse attendre et qu'on leur donne du café, du thé, etc. Et le temps passait, et chaque fois, Cheikh Ibn Baz, il remettait du thé, du café, etc. Encore, et chaque fois, du thé, du café, etc. Jusqu'à la fin, devinez quoi? Et c'était le temps de partir au Cheikh Ibn Baz, il est parti. Donc, il n'a jamais débattu avec eux. Et ça prouve bien que, ça rejoint ce qu'il dit Cheikh Rabi ici, que Cheikh Ibn Baz, il ne débattait pas avec ce genre de là. Une autre histoire que Cheikh Falah nous a raconté, qu'un des chouchous, il était avec un de ses chouyours, à Médine, et que ce cheikh-là, il y a des rawafid qui sont venus pour débattre avec le cheikh. Et le cheikh, il s'est levé. Et le cheikh Falah Ismail, à ce moment-là, l'étudiant dit, notre cheikh, il va aller, il va les débattre, les confondre, parce qu'il a l'ilm avec lui. Et le cheikh, il s'est levé. Et cheikh Falah Ismail était étonné, donc ils avaient l'habitude de le suivre avec lui jusqu'à la maison. Et Cheikh, pourquoi, et le Cheikh continuait, donc les rawafid marchaient avec lui, Cheikh, on va débattre avec vous, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la porte du Cheikh. Et puis quand les tullab, ils sont rentrés, comme d'habitude, avec le Cheikh chez lui à la maison, et le Cheikh, le rawafid, il a mis sa main, il a fait, ici, c'est chez moi. Il a fermé la porte, il les a laissés dehors, et il est rentré. Et Cheikh, pourquoi? Il a dit, avec quoi voulez-vous que je débatte avec? Le Coran? Notre Coran, ils y croient pas comme nous n'y croyons. Avec quoi? Les hadiths? Il croit à la sunna? Et ça, c'est le fiqh des ulama. Nous, à la limite, on serait prêt à débattre avec le premier venu. Et regardez, ça rejoint tout à fait ce qu'il dit Cheikh Rabi et qui rapporte de Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz, imam. Imam. Même Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le considérait comme quoi? Comme? Moujaddid l'Asr. Le revificateur, c'était le contraire aussi. Cheikh Ibn Baz, il considérait Cheikh Al-Albani comme celui qui était dans cette position-là. Cheikh Ibn Baz, c'est pas n'importe qui, c'est le cheikh de beaucoup de nos chouyours. Malgré ça, il ne débattait pas avec les khawarij, ni avec les rawafid. Donc ça, c'est un exemple pour nous à suivre, Inch'Allah. Le Imam Adani dit la même chose par rapport à l'Ibn Dhiya. Pourquoi que l'Ibn Dhiya, plusieurs fois, ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz de faire une mujadala avec lui, il a toujours refusé. Pourquoi que la choubha de l'Ibn Dhiya, se propage. Subhanallah. Donc, et qui est un genre de khawarij d'ailleurs, Donc, ça rejoint encore une fois la parole que... Tu vois? Parmi leur aqaïd. Ça, c'est un fiqh des ulama. فعلى كل حال جزاكم الله خيرا الشيخ الدي واخيرا قال حتى يدع الجدال ويسلم يؤمن بالاثار هذا الذي يجب تؤمن بالاثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم وان كان يصعب عليهم فهم ان كان يصعب عليهم فهمها اذا رايت احدا يجادل بالتي احسن يريد الاستفاده تبين له عنده شبهه ازلها عنه بلطف والحكمة والموعظة الحسنة وإن كان يريد المماراة فلا تجادله لأن هذا لا يريد الحق ولن تصل معه إلى نتيجة. Je vous rapporte une bonne nouvelle, Inch'Allah, c'est que, et j'ai même, alhamdulillah, Cheikh Falah Ismail m'a montré quelques chapitres, c'est que Cheikh Falah Ismail, il est en train d'essayer de publier son propre explication, en train de la revoir maintenant, en fait. Donc, sur le Sunan de l'imam Ahmad, il m'a montré l'autre jour qu'il était en train de rajouter une défense de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, maintenant ma chère ils ont parlé, il a dit, je sentais que je devais dire quelque chose aussi parce que, hein? Et Cheikh Falah Ismail faisait partie des gens très proches de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il m'a même dit que Cheikh Al-Albani, il a dormi 2 nuits chez lui. Il y a une histoire qui est très connue, qui est disponible sur Internet en vidéo, c'est que Cheikh Hamad Al-Ansari, rahmatullah, l'imam, Cheikh Falah Ismail dit qu'il était imam dans toutes les matières. Alors qu'il n'avait pas de diplôme, vous savez ça, Cheikh Hamad Al-Ansari, rahmatullah. Et qu'il était à Médine et que Cheikh Falah Ismail le conduisait. Donc il prenait le Cheikh avec lui jusqu'à la Jamia, etc. Et Cheikh Hamad Al-Ansari, il lui a dit, j'ai entendu que Cheikh Al-Albani était ici à Médine. Il a fait, naam, on était avec lui, etc. Il a fait, il est ici, Cheikh Hamad Al-Ansari. Il a dit, naam. Il a Cheikh Hamad Al-Ansari, il a demandé à Cheikh Falah Ismail de l'amener jusque chez lui. Pour les frères, j'ai déjà envoyé cette vidéo par email à certains des frères qui j'ai les emails. Alain Koulihan, elle est disponible. Et puis, rapporte aussi la grande escale de Cheikh Al-Abbad. Parce qu'il faut savoir que Cheikh Falah Ismail, c'est celui qui lisait le matin Al-Kulliya sur Cheikh Al-Mohsen Al-Abbad. D'accord? C'est cette semaine que Cheikh nous a raconté tout ça. Et Cheikh Falah Ismail, un jour, regardez l'adab de Tolab, qu'est-ce qu'il fait? Yasta'adin. Les Cheikh, est-ce que vous me donnez l'autorisation de lire? Et Cheikh, il a dit non, aujourd'hui, on ne lit pas. Aujourd'hui, on a un petit calam, une petite mohadara, un sujet important. Et il leur a parlé, Cheikh Al-Albani. Il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, est venu à Médine. Et Cheikh Falah Ismail nous a dit qu'il avait une pièce khas, dans la maktaba, etc. Et il demandait qu'on lui amène le martotat, etc. Les manuscrits, etc. Pour que, Et Cheikh Al-Abad, il leur a dit, cet homme-là est ici. Et il est venu chez nous alors que l'asl, c'est vous qui devez aller chez lui. Ou c'est nous qui devons aller chez lui. Il a dit, on a aussi combi. Il a dit, je vous le recommande, Ani, vivement, je vous recommande, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et il a dit que, vous connaissez la parole de celui qui parle sur l'imam Ahmed, فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ. Celui qui parle sur l'imam Ahmed, c'est quoi? Il est quoi? Sa religion, elle est en mise en doute. Et il a dit, je vous dis la même chose sur Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et je vous rajoute, Cheikh Al-Abbad qui parle, c'est l'Abbad, l'Allama. Il dit, et je vous rajoute que celui qui parle sur Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en mal, laisse un sahib sunnah. Il ne fait pas partie des gens de la sunnah. Voilà, là, les Allama, ils ont des très belles paroles sur. Et puis, Cheikh Falah Ismail, il a dit que, son Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah, il a dit, tu vois cet homme, on parle de Cheikh Al-Albani ici, il a dit, tu vois, c'est important parce que c'est des accusations qui sortent et ressortent et ressortent. Peut-être que les débutants ou les jeunes qui commencent à pratiquer, etc., connaissent pas la valeur et le niveau de Cheikh Al-Albani qui peuvent prêter des fois l'oreille à ce genre de choubouhat sur Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il disait que Cheikh Hamad Al-Ansari lui a dit, c'est Cheikh Falah qui raconte, il a dit, est-ce que cet homme, est-ce que tu sais que la majorité des gens le détestent? Est-ce que tu sais pourquoi? Il a dit, parce que soit muta'assibat al-madahib, c'est des gens qui sont des fanatiques de leur madhab, soit parmi le firaq al-dalla. Et tous ces gens-là, ils sont contre qui? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et puis Cheikh Falah, il a dit, je rajoute une troisième catégorie, c'est ceux qui ont, ils ont jamais le tout. Tu le trouves Hanafi, Maliki, Hanbali, Rafidi, Jahmi, Mu'tazili. Donc, Cheikh Hamad Al-Ansari, il a après dit que Cheikh Falah Ismail, il dit que Cheikh Hamad Al-Ansari lui a dit, « Anta tuhibbu !» الجيران تقول لا فلان عم أحبه، ها الجيران تحبه اللي دماند لا فلان عم أحبه يا شيخ. Et c'est ça notre wajib envers ces ulama, c'est de les aimer et de les défendre. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Falah Ismail, dans son Sharh d'Usul Sunnah, il a consacré donc un passage en défense de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et puis, on ne va pas trop long ici, mais il nous a rapporté que Cheikh Aoubaid Al-Jabir, il avait rapporté les quatre genres de choubouhat sur Cheikh Al-Albani, et que par rapport aux quatre choubouhat, alhamdulillah, il y a des défenses de Cheikh Al-Albani. Notamment sur la défense de l'Irja, Cheikh Falah Ismail nous a rapporté que l'imam Ahmed a innocenté Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur l'Irja. Comment ça se fait? Vous allez dire, ouais, mais c'est un anachronisme. Non, parce que l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui arrive en premier? Cheikh Al-Albani ou l'imam Ahmed? Hein? L'imam Ahmed, il y a quand même pas mal d'années entre les deux, non? Hein? Pourquoi? Sahih. Il a dit, man qala an al-iman yazid wa yanqus, faqad bari'a min al-Irja. Il a dit, l'imam Ahmed, celui qui dit que l'iman y monte et y descend, eh bien, il est innocent de l'Irja. Hein, c'est ça que tu voulais dire. La Kulli Halis, Inch'Allah, on demande à Allah Azul qui facilite à notre chir de sortir ce livre-là le plus vite possible. Et je l'ai vu, c'est un assez gros volume. Et chir, vous savez qu'il est à l'hôpital et qu'il s'est fait opérer jeudi. Hein, et donc, doua, Inch'Allah, pour lui. Donc, Allah Azul, Nishfihu, Shifa, Allah Yuradiru Saqama. À la Kulli Halis, on sait un petit peu, mais c'est important des fois de. Hein, de rapporter ce genre d'histoire, etc. Et Cheikh Falah, il en connaît beaucoup des histoires. Parce qu'il était. Et c'est, quand on vous rapporte ces histoires, vous voyez que c'était un Cheikh qui était avec toutes ces montagnes de sciences dont on entend parler. Et là, je vous raconte une dernière, ça va? Hein? Cheikh Hossein Ali Cheikh, vous connaissez? Hein? Ouais. Donc Cheikh Falah, il nous dit qu'il ne le connaissait pas à l'époque parce que quand il avait quitté Médine, c'est là qu'il était placé comme imam et khatib de l'Majid Nabawi. Il y avait une dora au Koweït et Cheikh Hassan Ali Cheikh, il est venu. Hein? Il a vu Cheikh Falah Ismail, il a dit, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu? Il a dit, c'est pas pour la dora, c'est pas pour hein, enseigner, etc. Il a dit, je suis venu pour toi. Il a dit, pour Cheikh Falah. Cheikh Falah, il voulait essayer de comprendre, il a dit, subhanallah, il a dit, pourquoi? Il a dit, je reste chez toi, parce qu'il était chez lui à la maison, il a dit, je reste toi un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, avec une condition. C'est que tu me racontes toutes tes histoires. Hein? Cheikh l'a dit, pourquoi? Il a dit, parce que chaque fois que Cheikh Rabi ou que un des Cheikhs nous raconte une histoire, il dit, haddathani biha, Cheikh Falah Ismail. Hein? Il dit, c'est Cheikh Falah Ismail qui nous a rapporté cela. Il a dit, moi je suis venu chez toi, il a dit, parce que nous sommes, et les étudiants sommes dans le plus grand besoin de ce genre d'histoire avec qui ils sont passés avec nos machers. Cheikh Falah, il en a beaucoup quand il était Cheikh Ahmed Ansari. Imaginez, vous savez c'est qui Cheikh Ahmed Ansari? Hein? L'allama. Hein? Et son Cheikh à lui c'était qui? Cheikh Falah Ismail, il est Cheikh Cheikh al-Madina. Abdurrahman al-Ifriqi. Hein? Il faut connaître les ulama. Cheikh Al-Muhsin al-Abbad. Cheikh Mohamed Amal Jami. Hein? Il nous a raconté que Cheikh Mohamed Amal Jami, Cheikh Falah, il était assis dans une assise, une invitation. Il y avait qui? Écoutez les noms. Hein? Cheikh Ahmed Ansari, Cheikh Mohamed Aman et Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Falah, il était là. Le Cheikh Falah nous a dit qu'à l'université de Médine, Cheikh Al-Albani, il ne restait jamais dans la salle des profs. Où est-ce qu'il allait? En dessous d'un arbre. Ça, c'était connu l'arbre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, hein, et là, il y avait qui était assis là? Hein? Eh, Cheikh Rabi, Cheikh, le Mashaykh. Hein, ça parlait de Sanat, ça parlait de Fawaïd, etc. Et hein? Le Cheikh Falah Ismail, il était là. Hein? C'est pour qu'on sache un peu la valeur des gens. Ils ont vu, Cheikh, il a vu qu'avec Cheikh Al-Uthaymin, il a vu qu'avec Cheikh Al-Aziz Ibn Baz, ça fait partie de ses chouyours. Hein? Cheikh Al-Mu'as Al-Katib, vous connaissez Cheikh Al-Mu'as Al-Katib? Hein? Cheikh Al-Fara'id fil Madina, rahimahullah. Il est mort il n'y a pas longtemps, rahimahullah. Hmm? D'autres noms, encore que. Hein? À la Kulli Hal, continue ce passage-là. Donc, Cheikh, il dit, on revient à la parole de Cheikh Rabi en explication de ce point-là au Sunnah de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a dit, et pour finir, jusqu'à ce qu'il délaisse les débats et se soumette et croit au Athar. Et Cheikh Rabi, il dit, c'est cela qui est obligatoire, que tu crois au Athar et que tu les rapportes, que tu les narres aux gens et que tu les leur expliques et que tu les leur clarifies s'ils ont difficile à les comprendre. Si tu vois quelqu'un qui discute, débat de la bonne manière, qui cherche à apprendre, alors tu lui clarifies. S'il a une ambiguïté, tu lui la retires avec douceur et sagesse et la bonne exhortation. Tandis que s'il cherche à se disputer, ne débat pas avec lui, car celui-là ne cherche pas la vérité et tu n'arriveras à aucun résultat avec lui. Ça, c'est important de comprendre aussi. On a encore un petit peu le temps de fadal. Ça enregistre là, parce que ça a coupé ici. Ça enregistre. القرآن كلام الله ليس بمخلوق والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il continue en disant, c'est un chapitre qui, on va s'attacher à étudier le point où on voit que le Coran est la parole d'Allah incréée. Et bien, l'imam Ahmed rahimahullah, il dit, et le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Et puis il continue, il dit, et qu'il ne faiblisse pas à dire qu'il n'est pas créé. Il dit, la parole d'Allah n'est pas séparée de lui. On va voir pourquoi il dit ça. C'est une réfutation contre l'Asha'ira, en fait. Et rien qui n'en fasse partie n'est créé. Et prend garde à débattre avec ceux qui ont innové à ce sujet. Et celui qui parle au sujet de la prononciation, ce qu'on appelle Al-Lafd. Hein, par rapport à quoi la parole, quoi que Lafdi bil-Qur'an, makhlouq. Et autre, et celui qui s'abstient, ce qu'on appelle quoi Al-Waqifa. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abi Daoud dans le Ha'iyya? Walataku bil-Waqfi qa'ila. Et celui qui s'abstient et dit, je ne sais pas s'il est créé ou incréé. Le Coran n'est rien d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là est un innovateur dans la religion, hein, celui qui dit je ne sais pas ou bien qui dit qu'il est créé ou qui dit je ne sais pas s'il est créé ou incréé. Celui-là est au même titre un innovateur dans la religion. Il est un innovateur dans la religion au même titre que celui qui dit que le Coran est créé. Le Coran n'est rien d'autre que la parole d'Allah incréée. Ça, c'est évidemment le dernier point, c'est la croyance d'Ahl Sunnah. Dans l'explication de Cheikh Rabi, hafidahullah, de ce point-là, il dit وهذه القضية كما تعرفون قضية خطيرة جدا قضية القول بخلق القرآن قامت عليها محنة عظيمة لأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد وتقع فيها السجن وقع فيها السجن والضرب والقتل قام بذلك الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين امتحنت الأمة محنة عظيمة بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلال وتسلطوا على أهل السنة ولكن كتب الله العاقبة للمتقين فصبر الإمام أحمد وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب الشديدة التي لا يطيقها الجبال رحمه الله تعالى فرفع الله مكانته وأعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله وجزاه أحسن الجزاء. Donc l'explication de Cheikh Rabi' de ce point-là, hafidahullah, il dit, cette affaire, comme vous le savez, est une affaire d'une haute gravité, l'affaire de dire que le Coran est créé. Les gens de la Sunna et du consensus, Ahl Sunna wal Jama'a, ont, au sujet de cette affaire, vécu une grande épreuve, ce qu'on appelle mihnat Ahl Sunna. Et à leur tête, l'imam Ahmed, d'ailleurs ce qu'on appelle mihnat l'imam Ahmed, l'épreuve de l'imam Ahmed. À ce sujet, ils ont enduré la prison, les coups et la mort. Hein, certains ont été tués. Et je vous rapporte une faïda que Cheikh Raslan rapporte dans un de ses livres. Il dit que les musulmans, quand ils combattaient les Romains, il y avait des captifs musulmans chez les Romains. D'accord ? Donc, il y avait quoi ? Hein, soit ils rachetaient les captifs, etc. Mais ce qu'ils faisaient, ils demandaient de leur demander, c'était leur croyance envers le Coran. S'ils disaient que le Coran, c'est la parole d'Allah, ils disaient aux Romains, vous pouvez les garder. Regardez jusqu'où ça allait. Juste dans le sens que les Romains, les musulmans combattaient les Romains. D'accord ? Donc il y avait des musulmans qui étaient pris captifs. Hein ? Et au lieu d'être rachetés par les musulmans, ils demandaient qu'on fasse le mtihan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aux gens qui s'occupaient de ça, de quoi de faire le mtihan ? Qu'est-ce qu'il dit par rapport au Coran ? C'est que le Coran, c'est Kalamullah. Et bien, les Romains pouvaient le garder. Pourquoi ? Parce que pour eux, il avait une fausse croyance. Parce que justement. Oui, parce que c'est les califes à cette époque-là, ils avaient la. C'est dans ce contexte-là. Par rapport aux trois khulafa abbasides dont on va parler maintenant. Le Ma'moun, le Watiq et le Mu'tasim. Vous voyez jusqu'où ça allait ? C'est-à-dire qu'il est laissé chez les koufars. Pourquoi ? Parce qu'il disait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Cheikh Al-Islam, il dit ça dans un livre qui s'appelle Dawab et Takfir al-Mu'ayyan. Les conditions et les règles de l'excommunication, le fait de juger quelqu'un mécréant, mais de manière spécifique, quelqu'un de spécifique. Il parle de ça. On est arrivé à quel point ? On a dit, à ce sujet, ils ont enduré la prison, les coups et la mort. Cette épreuve a été menée par les Jahmites et les Mu'tazilites à l'époque de Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim et Al-Wafiq. À l'époque de ces trois dirigeants de la dynastie Abbaside, l'Abbasine, comme on les appelle, l'Abbasion, la communauté a subi une très grande épreuve à cause des Jahmites et des Mu'tazilites et des gens de l'égarement. Ils ont dominé les gens de la Sunna à cette époque-là. Mais Allah a écrit la fin heureuse aux pieux. Jusqu'à ce qui est arrivé, c'est que, après, il y a eu un calife des gens de la Sunna. Alhamdulillah, l'épreuve s'est arrêtée à ce moment-là pour les gens de la Sunna. Il faut étudier cette histoire parce qu'elle est pleine d'enseignements. Il y a des khotabs sur le sujet, il y a des cours, etc. Les ulama, ils en parlent souvent même quand ils font l'explication de Usul Sunna ou bien d'autres livres de l'imam Ahmed, d'accord ? Cheikh, il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, fut patient et il endura et supporta les coups et la prison et les grandes difficultés que même les montagnes ne peuvent supporter. Qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah ta'ala. Allah éleva sa position et son statut et il devint en vérité et justement, quoi ? L'imam des gens de la Sunna. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on appelle l'imam Ahmed imam ou ahli sunna. L'imam des gens de la Sunna. Cheikh Ali, personne qui ne lève sa tête avec la Sunna, ni n'élève l'étendard de la Sunna, sans qu'il se revendique et ne s'affilie fièrement à cet immense imam, l'imam Ahmed rahimahullah. Allah rendit l'islam puissant par Abu Bakr le jour de l'apostasie, ce qu'on appelle Yom Ridda. Et retenez, c'est une parole de salaf ça. A'azzallahu l'islam bi Abu Bakr Yom Ridda. Allah rendit l'islam puissant par Abu Bakr le jour de l'apostasie et par Ahmed le jour de l'épreuve. Comme l'ont dit certains pieux prédécesseurs, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmed et le récompense de la meilleure manière. Puis Cheikh dit, il continue en disant, fait le Coran, wa sunna yadullani ala anna al-Quran kalamullahi takallama bih, awhahu ila Jibrila. وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم والله يتكلم متى شاء وإذا شاء ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سورة الكهف فمن كلامه الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى الرسل وينزل إليهم الكتب لتصلح بهم حياتهم وتستقيم عليها حياتهم ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها وبمقتضاها لدخول الجنة ومرضات رب العالمين ومن خالفها وعاندها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث الله عن ذلك. Cheikh Rabi' il dit, le Coran et la Sunna indiquent que le Coran est la parole d'Allah et qu'il a parlé par le Coran subhanahu wa ta'ala et l'a révélé à Jibril qui lui-même l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle quand il veut subhanahu wa ta'ala et s'il veut subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces paroles que les mers ne sauraient épuiser, la traduction du sens de la parole d'Allah dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, euh, Certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent en renfort. Surat Al-Kahf, verset 109. Parmi ces paroles, il y a les livres révélés pour réformer l'être humain et leur guidance, et afin de les sauver de l'égarement, et pour les raisons et les buts pleins de sagesse que seul Allah connaît. Ceci fait partie de sa miséricorde et de sa sagesse. Et il fait partie des implications de sa seigneurie, de sa rububiyya, qu'il a révélé aux messagers et qu'il révèle aux messagers et fasse descendre vers eux les livres, afin qu'avec les livres, leur vie se réforme et que leur vie soit droite en se basant sur ces livres. Et afin qu'au moyen de ces livres et de leur mise en pratique et de leur implication, ils soient dignes de rentrer au paradis et d'obtenir l'agrément d'Allah, le Seigneur des mondes. Et celui qui les transgresse, c'est-à-dire qui transgresse les livres et les refuse, et que les preuves soient dressées contre eux, et ils méritent le châtiment réservé aux mécréants et aux orgueilleux, qui est d'être voués à l'enfer éternel, comme Allah l'a dit, عَيَدًا بِاللَّهِ مِنْ دَلِكَ, qu'Allah nous en préserve. Puis il dit, وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ كَلَامُ اللَّهِ أَوْحَاهَا إِلَى عِبَادِهِ وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وينادي يوم القيامة أين شركائي وإذ نادى ربك موسى سورة الشعراء ونداء لا يكون إلا بحرف وصوت يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشبه صوت ولا حروف ولا كلام المخلوقين فالله يتكلم والكلام صفة كمال فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحط من البشر الذين يتكلمون فالله كرم الإنسان وكمله ومن كماله كمال كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام من صفة الكمال والله كامل يهب من كماله لمن يشاء من عباده ومخلوقاته فهي صفة كمال العلم صفة كمال القدرة صفة كمال فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية تنقص ولما قال أحد كفار قريش puis il va rapporter des versets du Coran, on va d'abord s'attacher à traduire cela, pour pas que ce soit trop long pour vous. Il dit, et le Coran est la parole d'Allah. Allah a dit le Coran, Allah a parlé le Coran. Et les livres révélés sont la parole d'Allah, qu'il a révélé à ses serviteurs. Et il a vraiment parlé à Moïse. Et il a parlé à Mohammed, alayhi salatu salam, la nuit de l'ascension, les lettres l'Isra, l'ascension nocturne. Et il appellera le jour du jugement dernier en disant, où sont mes associés? La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et lorsque ton Seigneur appellera Moïse. Surat Shu'ara, verset 10. L'appel ne peut se faire que par une lettre et un son qui sied à Allah Azza wa Jal, qui ne ressemble pas au son, ni aux lettres, ni à la parole des créatures. Allah parle et la parole est un attribut de perfection. Les choses ne parlent pas, ni les animaux, qui sont eux inférieurs aux êtres humains qui eux parlent. Allah a honoré l'être humain, l'a parfait, et fait partie de cette perfection, et même des signes les plus particuliers de sa perfection, qu'il parle. Ce qui les distingue d'ailleurs du reste des créatures. C'est Allah qui a doté de parole les êtres humains, et les anges, et les djinns doués de raison. L'attribut de la parole fait partie des attributs de perfection. Allah est parfait, et accorde une partie de sa perfection à qui il veut parmi ses serviteurs et ses créatures. C'est donc un attribut de quoi ? De perfection. La science est un attribut de perfection. Le pouvoir est un attribut de perfection, ce qu'on appelle qudra en arabe. Et l'ilm, la science. Celui qui renie la parole, la science et le pouvoir d'Allah l'aura complètement blasphémé. Et puis il va rapporter la parole d'un mécréant de parmi les mécréants de Quraysh. Lorsqu'un mécréant parmi les mécréants de Quraysh dit cette parole dont la traduction du sens est, ce n'est que la parole d'un humain. C'est quoi, quel verset? Qui dit quoi? إن هو إلا سمحكينا إن هذا إلا قول البشر سورة المدثر قال سأصليه سقر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر sur le Mudathir du verset 18 à 26. Donc lorsqu'un mécréant parmi les mécréants de Quraysh dit cette parole dont la traduction du sens est, ce n'est que la parole d'un humain, Regardez où est-ce qu'il va chercher le shirk pour établir vraiment que quoi que le Coran, c'est la parole d'Allah, incréée. Allah dit ce dont la traduction du sens est, je vais le brûler dans le feu intense, saqar. Quand il a dit quoi? Ce n'est là que la parole d'un humain. Hein? La traduction du sens de la parole d'Allah dit, puis Cheikh, il va rapporter tous ces versets, on va les traduire tous ensemble. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, c'est-à-dire quoi? Le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, saqar. Sourate Al-Mudathir, versets 18 à 26. Cheikh, il dit, « قول البشر مخلوق فتوعده الله هذا الوعد الشديد هذا الطعن في هذا القرآن بأنه سحر وبأنه قول البشر هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس بمخلوق لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم ومؤدها أن الله لا يتكلم. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, la parole de l'humain est créée. Allah le menaça donc de cette terrible menace, cette insulte envers le Coran, que ce n'est que de la magie, et que ce n'est que la parole d'un humain. Ceci est un blasphème, une insulte envers le Coran, qui est la parole d'Allah, qu'il a révélée pour guider les gens, et il n'est pas créé, ce Coran. Les Mu'tazilites, et les Jahmites, et les Batinites, et les Rafidites, et les Kharijites, et tous les groupes de l'égarement divergent dans leurs paroles, mais ces paroles reviennent tout à quoi à dire que Allah ne parle pas. Donc vous voyez que c'est pourquoi l'imam Ahmed il a rapporté parmi quoi? Les fondements de la sunna. Et donc parmi les choses avec lesquelles ou par lesquelles se distinguent les gens de la sunna des gens de la bid'ah. Cheikh il dit « حتى الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة » أوائلهم كانوا يقولون الكلام هو صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لكن هذا القرآن ليس كلامه إنما هو حكاية لكلامه يلشبهات كمو وكلامه صفة قائمة بذاته ليس بحرف ولا صوت ولكن ما تكلم هذا القرآن ليس كلامه نسأل الله العافية ومن أواخر الأشاعرة من صرح بأن القرآن مخلوق مع الأسف شيخ الديكو الدي parmi الأشاعرة Même les Asha'ira, les Asha'arites, ont été influencés par le Mu'tazilite. Les premiers Asha'arites disaient, la parole est un attribut inhérent à son essence, à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que ce Coran n'est pas sa parole. Regardez la choubra, comment elle est. Ce n'est qu'une narration de sa parole. Regardez où est-ce qu'ils vont chercher, hein? Et sa parole est un attribut inhérent à son essence qui n'est pas une lettre ni un son. Mais il n'a pas parlé. Ce Coran n'est pas sa parole. Cheikh, il dit qu'Allah nous préserve de cela. Or, parmi les Asha'arites les plus récents, maintenant, les derniers, il y en a qui disent carrément, explicitement, que le Coran est créé. Donc avant, ils disaient quoi que c'était? Hein? Une narration, une relation de quoi? De sa parole. Et maintenant, il y en a carrément qui disent que il est pas, c'est pas la parole d'Allah et qu'il est créé. Le Coran est donc la parole d'Allah incréée. Ça, c'est la parole des gens de la sunna. Et toute la parole d'Allah est incréée. Et cela, lorsqu'ils ont commencé cette fitna, ils ont dit, hein, on va d'abord lire en arabe, il dit, فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق وكلام الله كله ليس بمخلوق وهؤلاء لما بدأوا بهذه الفتنة يقولون كلام الله خلقه بغير محل. هذه الشبهات. ويقولون كلام الله لكنه كما تقول ناقة الله. فيقول ناقة الله وبيت الله أي من إضافة المخلوق إلى الخالق وهذا من تلبيسهم وكذبهم فقط attention aux شبهات regardez où est-ce qu'ils vont chercher Cheikh il dit le Coran est donc la parole d'Allah incréée ça c'est la parole des gens de la sunna et toute la parole d'Allah est incréée et cela il parle des mubtadi'a maintenant lorsqu'ils ont commencé cette fitna cette épreuve ils ont dit la parole d'Allah qu'il a créée sans endroit Et il disait la parole d'Allah Mais quand, comme quand tu dis la chamelle d'Allah ou la demeure d'Allah, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ici? Hein? C'est-à-dire une attribution de la créature à son créateur. Tout cela fait partie de leur mensonge et de leur tromperie. Je pense que on pouvait continuer un peu, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour pas que ce soit trop long. Hein? وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فيكم بارك الله